Les meilleurs souvenirs culinaires de Vincent Delerme, enfin réunis sur un seul et même album. Les meilleurs souvenirs culinaires de Vincent Delerme, des tubes qui vous feront saliver. Une fois, j'ai vomi, et une pâte est passée par mon nez. Les coquillettes, ça fait mal, les spaghettis, c'est trop long. Manger des nouilles, oui, manger des nouilles. Dans le nez, ça gratouille et c'est bon. Ses meilleurs souvenirs. En 1975, les petits déj c'était sympa. Il y avait le choix entre chicorée ou fausse cao. Et on trempait nos triscottes dedans. Ses souvenirs culinaires. Papy Brossard, Mamie Nova, c'était ma famille à moi. Ses meilleurs souvenirs culinaires. C'était en 1953. J'étais pas né, je mangeais pas. Parle toujours. Tu m'intéresses. L'autre jour, j'ai mangé une pomme. Quand j'étais jeune et que le jour se levait, c'était encore mieux. Le soleil vient de se lever, encore une belle journée. Et il va bientôt arriver, l'ami Ricoré. Il arrive toujours à temps, avec le pain et les croissants. C'est mon ami Ricoré, je l'appelle Rico. Une gourmandise, une hyper sale.